à la guitare. Salut Océan. C'est qui sait jouer à la guitare ça? Midnight Express. Bravo. Yes. Ouais. Lente, C'est la balade. C'est une balade, je crois. Ah ouais, c'est une balade. Mais... C'est vrai que c'est beau ça. Mais c'est pas la bonne tonalité, je crois. Triste, hein. J'ai pleuré, moi, quand j'ai regardé ce film, j'ai pleuré. Bon, les filles sont parties chercher un McDo. J'attends le McDo et la bière. Bon, je mets une batterie et vous jouez en attendant. En attendant. Attends. Quand t'arrives à créer une seule mélodie comme ça. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Putain, j'arrive pas à synchroniser. 1, 2. C'est carré là. C'est calé. 3. Moi je fais la basse. Faire un truc tout simple. Fais un truc simple. En Do. C'est où que ça enregistre là? C'est là que ça enregistre. Ah merde, ça enregistre pas. Pourquoi ça enregistre pas? Pourquoi ça... Ah, ça mute la piste? Attends. Ah ouais, je sais pourquoi. On va essayer de faire un petit truc tranquille. On va faire ces notes. Facile. 3, 4. note. Faut que j'enlève cette batterie là. Pourquoi c'est fort comme ça? Elle tourne encore là. Ah, ça fait ce bruit là. Je dirais qu'il y a deux batteries. Bon, c'est pas grave. La batterie, merde. Ah ouais, d'accord. Ah, je sors fort, ah oui, merde. Moins 12. Je suis combien là? Thank you. la batterie. Where's the drum? No drum? You don't play drum. La batterie. Allume la batterie. Ah ouais, c'est toi la batterie, le ciel.